Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Septième épisode. L'un des navires que croise le Pequod, le Samuel Enderby de Londres, a, durant sa campagne de pêche, aperçu et poursuivi Moby Dick. Ahab écoute avidement le récit que lui fait le capitaine du navire de son affrontement avec le cachalot blanc, au cours duquel l'animal sanguinaire lui a arraché un bras avant de s'enfuir vers l'est. En quittant précipitamment le Samuel Enderby, Ahab brise à demi sa jambe d'ivoire. Toute la nuit, le charpentier a travaillé à lui confectionner une nouvelle jambe dans l'os de la mâchoire d'un cachalot. Qui est là ? Le Pequod naviguait dans les eaux de la Chine méridionale, entre Formose et les Philippines, lorsqu'on découvrit une importante quantité d'huile dans la cale. Il devait y avoir une fuite sérieuse dans les barils. La situation était préoccupante et Starbuck descendit dans la cabine pour faire son rapport sur cette vilaine affaire. Qui est là ? Allez, sur le pont, hors d'ici ! Ahab, le front sillonné de rides, était penché sur une carte générale des archipels orientaux et traçait au crayon ses immuables routes de chasse. Hors d'ici ! Vous méprenez, capitaine Ahab. C'est moi, Starbuck. L'huile fuit dans la cale, monsieur. Nous devons hisser les petits palans et décharger. Hisser les petits palans et décharger. Maintenant que nous approchons du Japon, mettre en panne ici toute une semaine pour rafistoler un lot de vieux cerceaux. Ce qui nous a fait parcourir 20 000 miles mérite d'être sauvé, monsieur. Certes, oui, si nous l'attrapons. Je parlais de l'huile dans la cale, monsieur. Moi pas. Et je n'y pensais même pas du tout. Et hors d'ici, laisse fuir. Je ne suis moi-même que fuite. Oui, des fuites partout, encore et encore. Je suis tout empli de barils qui fuient dans la cale d'un navire qui fait eau. Et c'est un état bien plus terrible que celui du Pequod, mon gars. Pourtant, je ne m'arrête pas pour aveugler ma voie d'eau. Qui, d'ailleurs ? Qui pourrait la trouver dans cette coque si lourdement chargée ? Et quand bien même on la découvrirait, comment espérer l'aveugler dans les violentes rafales de cette vie ? Starbuck, je ne ferai pas hisser les palans. Que vont dire les armateurs, monsieur ? Les armateurs ? Que m'importent les armateurs ? Qu'ils restent plantés sur la grève de Nantucket et couvrent de leurs cris les hurlements des typhons ? Ces vieux grigous de propriétaires sont-ils ma conscience ? Écoute bien ceci. Seul possède vraiment quelque chose celui qui en a le commandement. Et ceci encore. Ma conscience est dans la quille de ce navire. Capitaine Ahab. Regagne le pont. J'ose vous demander, monsieur, d'être indulgent. Ne pouvons-nous pas nous comprendre enfin, capitaine Ahab ? Ahab s'approcha alors du râtelier. On en trouve dans la plupart des cabines des baleiniers des mers du Sud. Et saisissant un fusil chargé, il le braqua sur Starbuck. Un dieu. Un seul est le seigneur du monde. Un capitaine, un seul, est le maître du Pequod. Et sur le pont. Vous m'avez outragé, mais non point insulté, monsieur. Il n'y a pas là de quoi vous défier de Starbuck. Mais prenez garde à Ahab. Défie-toi de toi-même, vieil homme. Il devient courageux, mais n'en obéit pas moins. La prudente bravoure que voilà. Que disait-il ? Ahab devrait se défier d'Ahab ? Il y a de la vérité là-dedans. Starbuck, tu n'es qu'un trop brave garçon. Afferlez les voiles de perroquet. Au baril les lignées. Brassez la grand-verre. Hissez les petits palans et déchargez la cale. Perth, notre vieux forgeron, vient de finir d'aider à confectionner la jambe d'Akab. Il a laissé sa forge portative sur le pont, solidement arrimée près du mât de misaine. Les chefs de pirogue, les harponneurs et les marins se pressent autour de lui, attendant avec impatience ses services. La barbe en broussaille, le visage barbouillé de noir, silencieux, lent, solennel. Courbant son échine brisée par un mal chronique, Perth travaille comme si l'ouvrage était sa vie même et les pesants coups de son marteau, le lourd battement de son cœur. Sa carrière fut semée de malheurs. Veuf, ruiné, ses trois enfants fauchés par la mort, il céda aux séductions des vastes plaines de l'océan, à l'appel des sirènes qui promettent à celui dont le cœur est brisé, mais que des scrupules retiennent encore devant le suicide, les merveilles et les prodiges d'un autre monde, l'oubli de sa vie ancienne. Et c'est ainsi que Perth, qui avait tout perdu à terre, partit chasser la baleine. Ah, Perth, tu peux donc vivre parmi les vols d'étincelles sans recevoir la moindre brûlure? C'est que je suis brûlé de partout, capitaine Akab. Il n'y a plus rien à brûler chez moi. Le feu n'attaque pas facilement une cicatrice. Suffit. Il y a dans t'avoir à tatiner trop de calme et de raisonnable affliction. Banni comme toi de tout paradis, je ne supporte le malheur des autres que lorsqu'il est folie. Tu aurais dû perdre l'esprit, forgeron. Dis-moi, pourquoi n'en est-il pas ainsi? Comment peux-tu endurer sans sombrer dans la folie? Le ciel te hait-il à ce point que la folie te soit épargnée? Bon, regarde ceci. Je veux un harpon, Perth. Une arme que 1000 couples de démons ne sauraient rompre et qui restera plantée dans la baleine aussi fermement que l'os de sa propre nageoire. Voilà ce qu'il te faut. Des clous, forgeron, qui proviennent des fers de chevaux de course. Les clous de fer à cheval. C'est le meilleur métal, capitaine Akab. Le plus robuste. Je le sais, vieil homme. Ces clous vont se souder ensemble comme la colle que l'on tire des os fondus des assassins. Vite, forge-moi le harpon. Mais d'abord, forge-moi 12 tiges pour sa rampe. Je soufflerai le feu. Perth s'apprêtait à corroyer les 12 pièces quand Akab arrêta sa main et déclara qu'il forgerait lui-même son fer. Tandis qu'il frappait sur l'enclume et que la forge lançait haut une flamme droite et intense, Fedallah passa auprès et, courbant la tête en direction du feu, parut invoquer quelques malédictions ou bénédictions sur l'ouvrage. Mais quand Akab leva les yeux, il s'éloigna. Stubb, qui contemplait la scène du gaillard d'avant, ne put retenir un murmure. Pourquoi ce paquet de bûchettes soufrées vient-il rôder par ici? Ce Parsi sent le feu comme le bout d'une allumette. Et il dégage même l'odeur du bassinet encore brûlant d'un mousquet. Quand la hampe fut forgée, Perth, pour la tremper, la plongea dans un baquet d'eau qui se trouvait là. La vapeur bouillante gicla au visage penché d'Akab. Voudrais-tu me marquer, Perth? N'ai-je donc fait que forger le fer destiné à me flétrir? À Dieu ne plaise. Pourtant, j'ai une crainte, capitaine Akab. Ce harpon, ne serait-il pas pour le cachalot blanc? Pour le démon blanc. À présent, les barbelures. C'est toi qui les feras, mon gaillard. Voici mes rasoirs, le meilleur acier. Prends et fais ces barbelures aussi tranchantes que les aiguilles de glace des mers polaires. Prends-les, te dis-je. Je n'en ai plus besoin. Désormais, je cesse de me raser, de dîner, de prier jusqu'à ce que... Allez, au travail. L'acier vint bientôt parachever le dard. Le forgeron demanda à Akab d'approcher le baquet d'eau pour une dernière trempe. Non, non, ce n'est pas de l'eau qu'il faut ici. Je veux la vraie trempe de la mort. Ouais, vous là-bas, Tashtego, Kikek, Dagu. Qu'en dites-vous, mes harponneurs païens? Me donnerez-vous tout le sang qu'il faut pour y plonger ce dard? Trois incisions furent faites dans les chairs païennes. Et les barbelures destinées aux cachalots blancs furent trempées. Tashtego? Avec un grésillement, le fer incandescent étancha sa soif maligne dans le sang baptismal. Ego? Non baptisote in nomine patris, sed in nomine diaboli. Quelques semaines après que le harpon d'Akab eut été forgé et baptisé au nom du diable, le Pequod rencontra un bâtiment de Nantucket, le célibataire, qui venait de fermer ses cales pleines à craquer et rentrait dans l'allégresse à son port d'attache. Il avait connu les plus beaux succès. Non seulement il s'était débarrassé de barils de bœuf et de pain pour faire de la place aux spermaceti, denrées de bien plus grand prix, mais il s'était procuré par le troc auprès de tous les bâtiments rencontrés des tonneaux supplémentaires qu'on avait rangés sur le pont et dans les cabines du capitaine et des officiers. Tout ce qui pouvait contenir du liquide à bord, boîtes, coffres, marmites, débordait de spermaceti. L'équipage dansait et chantait sur le pont avec des filles au teint d'olive qui s'étaient enfuies de leurs îles des mers du Sud. Les deux navires, en se croisant, l'un réjoui de ce qui lui était arrivé, l'autre inquiet de ce qui allait lui advenir, offrait le contraste le plus violent qu'on pût imaginer. Le commandant du joyeux célibataire, élevant bien haut un verre et une bouteille, héla celui du Pequod au visage chagrin. Venez à bord ! Venez ! As-tu vu le cachalot blanc ? Non, j'en ai seulement entendu parler, et je n'y crois pas un instant. Allons, venez vous joindre à la fête ! Va au diable avec ton humeur jovial. Poursuis ta route. Tu as perdu des hommes? Rien qui vaille la peine d'en parler. Les indigènes, pas plus. Et venez à bord, mon ami, venez. Qu'aurait-on fait de dissiper ces nuages qui assombrissent votre front? Venez vous amuser avec nous. Les cales de mon bateau sont pleines. Nous rentrons au bord. La familiarité des imbéciles est une chose étonnante. Tu me dis que tes cales à toi sont pleines et que tu rentres au port? Eh bien, je te dirai que mes cales à moi sont vides et que je pars au long cours. Va donc ton chemin et j'irai le mien. Oh, à l'avant! Toute la toile dessus et gouverne près du vent! C'était au soir d'une journée où nous avions tué 4 cachalots. 3 furent halés jusqu'au navire avant la tombée de la nuit. Celui qui avait été capturé par la baleinière d'Akab dut rester sur place, au vent, jusqu'au lendemain. On planta donc, comme il est d'usage, un pavillon de prise dans son évent, avec une lanterne à son extrémité, qui jetait une lueur indécise et on demeura auprès. L'équipage s'endormit dans la pirogue à l'exception de Fedallah. Celui-ci, blotti à l'avant, observait les requins qui jouaient comme des spectres autour du cachalot et frappaient de leur queue les bordages légers de l'embarcation. Akab fut soudain tiré de son sommeil et vit devant lui le Parsi dont les yeux brillaient comme des lucioles. Les deux hommes, cernés par la ténèbre de la nuit, paraissaient être les survivants d'un monde disparu sous les eaux. J'ai refait ce même rêve. Le rêve des corbillards ? Ne t'ai-je pas dit, vieil homme, que ni corbillard ni cercueil ne sauraient être, tiens? Où y a-t-il des corbillards pour ceux qui meurent en mer? Je t'ai dit qu'avant que ta mort survienne dans ce voyage, Il faudra que tes yeux aient vu deux corbillards sur l'eau. Le premier n'aura pas été construit par des mains d'hommes, et le bois du second aura poussé en Amérique. Étrange spectacle, Fedala. Un corbillard flottant sur l'océan et les vagues portant les cordons du poêle. Nous ne verrons pas une telle scène de sitôt. Et que dit la prophétie à ton sujet ? Que si le pire doit advenir, toujours je te précéderai et serai ton pilote. Eh bien, si je dois croire tout ce que tu me dis, ô mon pilote, j'ai ici deux gages qui m'assurent que je détruirai Moby Dick et lui survivrai. Voici un troisième gage, vieil homme. Le chanvre seul peut te tuer. Le chanvre ? La potence, veux-tu dire ? Alors, je suis immortel sur terre et sur mer. Immortel sur terre et sur mer. Immortel. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaborski. Septième épisode. Avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Acab, Olivier Clavry, Starbuck, Didier Brice, Stubb, Miglen Mirtchef, Kikeg, Charles Clément, Tash Tego, Christian Julien, Dagou, Alain Christie, Perse le forgeron, François Sienner, le capitaine du célibataire, Mahmoud Saïd, Fedala et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboualitaine, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinache. Équipe de réalisation. Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zand. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.